Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode spécial été. C'est un épisode dans lequel je continue à vous faire découvrir les podcasts qui me plaisent tout particulièrement et que j'écoute toute l'année. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un des podcasts qui m'accompagne depuis le plus longtemps. Il s'agit de Sismic de Julien Devorex. C'est un podcast référence dans les sujets qui, moi, me passionnent, hein, forcément écologique, mais aussi technologique. Julien creuse également les questions géopolitiques et les questions de démocratie. C'est d'ailleurs l'épisode que je vous fais découvrir aujourd'hui, qui est avec Flore Vasseur et qui pose la question de qui nous gouverne. Vous connaissez peut-être Flore Vasseur puisque c'est la réalisatrice du documentaire Bigger Than Us, mais vous allez voir que son point de vue est assez complet sur l'état de nos démocraties et de où se retrouve le pouvoir politique actuellement. Sismic, c'est, comme je vous le disais, vraiment un de mes podcasts de référence. Donc, si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner au podcast proposé depuis de nombreuses années par Julien. Et je vous dis forcément à la fois une bonne écoute et à très vite pour un nouvel épisode de 2030 Glorieuse. Salut! Flore Vasseur est une auteure, journaliste, réalisatrice et productrice de documentaires. Depuis 20 ans, elle s'intéresse en particulier à une question: qui gouverne? Qui décide de la marche du monde, de l'information qui nous est rendue visible, des algorithmes qui conditionnent nos pensées et nos actes? Qui décide de ce qui se fait ou non? Elle a écrit un livre sur la vie d'Aaron Swartz, le jeune prodige d'Internet écrasé par la machine judiciaire américaine. Elle a rencontré Edward Snowden et en a fait un film. Elle s'intéresse à tous ceux qui dénoncent, à ceux qui s'engagent pour faire bouger les lignes et mettre en lumière les dysfonctionnements de nos sociétés. Dans cet épisode, nous parlons ensemble du système médiatique et politique, d'information, de notre goût du confort qui se substitue à notre désir de liberté, mais aussi de joie, de liens, et de ceux qui décident malgré tout de continuer de croire au changement et d'incarner une autre manière d'être au monde. Bonne écoute. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. À partir du moment où l'information est devenue une marchandise, bon, on a tout perdu. La grande phrase de Snowden avec nous, c'était de dire finalement, on préfère le confort à l'humanité. Pour être libre, il faut pouvoir avoir des endroits sûrs dans lesquels on puisse développer sa pensée. Il faut qu'on commence à réfléchir à moins faire et à plus être. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour Flore. Bonjour. Alors je suis ravi qu'on puisse avoir un temps d'échange parce que ça fait des années en fait que vous faites partie de ceux qui cherchent à mieux comprendre le dessous des cartes, la manière dont fonctionnent réellement nos sociétés, les dynamiques qui font qu'on va collectivement en fait dans un sens ou dans l'autre. Et vous faites ça notamment en allant à la rencontre d'autres personnes qui ont pris un peu d'avance sur tout le monde, donc des chercheurs, des activistes, des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden que vous avez rencontré et sur lequel vous avez fait un film, comme Aaron Swartz sur lequel aussi vous avez fait un livre. Et cette quête de vérité, en fait, ce travail de clarification, c'est moi aussi à peu près ce que je cherche à faire avec ce podcast à mon petit niveau. Mais donc j'ai plein de choses à vous demander. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, avec quelques mots, sur votre parcours et sur ce que vous faites aujourd'hui, surtout ce qui vous anime? Bah, merci de me recevoir. Donc, moi, je suis Flore Vasseur. Aujourd'hui, je suis auteur, réalisatrice et productrice. J'ai bifurqué vers l'âge de 27 ans. Jusque-là, j'étais vraiment programmée pour être dans l'entreprise, voire chef d'entreprise, que j'étais à New York à l'époque. Et à l'occasion du 11 septembre, je me suis rendu compte que je pouvais plus du tout continuer cette vie pour laquelle j'avais été plus ou moins programmée. Et j'ai commencé à douter de ce que, bien sûr, j'étais, de ce que je représentais et de ce que l'on nous disait sur la marche du monde. Enfin, je vais un peu rapidement, mais grosso modo, effectivement, j'étais à New York le 11 septembre. Et j'étais chef d'entreprise et j'ai tout arrêté. Et je me suis mis à essayer de comprendre pourquoi j'avais vécu ce 11 septembre à New York et pourquoi on nous envoyait des bombes. Et donc, je suis partie en Afghanistan et puis j'ai commencé à enquêter. J'ai commencé à écrire sur ce que je voyais, ce que je sentais. Donc, je suis venue à l'écriture, en fait, à l'occasion de ce drame. Et puis, l'écriture m'a amené plein de choses géniales et plein de rencontres. Et puis, un premier livre a amené un deuxième livre qui a amené un troisième livre, à chaque fois avec une question fondamentale qui, pour moi, est qui gouverne. Quelles sont les forces en présence qui tiennent nos chaînes, en fait? Qui tient nos chaînes, plus exactement? Et l'écriture de livres, de romans m'a amené bien sûr à l'écriture d'articles, à l'écriture ensuite de documentaires, et puis l'écriture de documentaires m'a amené à la réalisation de documentaires, et la réalisation de documentaires m'amène à la production de documentaires. Enfin, il y a deux mouvements, c'est-à-dire que il y a une question qui est qui gouverne, que je traite sur tous les formats possibles et inimaginables, enfin, que j'essaie de trouver. Et il y a la liberté et le désir de maîtriser mon outil de travail. Donc, le livre, le film, la production. Ok. Donc, on est beaucoup à penser qu'on vit une époque charnière et beaucoup de choses sont en train de se jouer, qui vont être déterminantes, en fait, pour la trajectoire de notre civilisation, voire de certains pensent de l'humanité, en fait, d'ici la fin du siècle, avec en tête de pont le défi écologique, énergétique, le climat, enfin, voilà, tout ce qui est autour des ressources. On sait donc, quand on s'intéresse un peu à la marche du monde d'un peu près, qu'il va falloir qu'on change radicalement un certain nombre de choses et que beaucoup de nos modèles deviennent rapidement obsolètes. Et pour pouvoir faire ça, moi, je vois deux éléments de base qui sont essentiels, ce que je commence à identifier. C'est d'abord être capable de bien comprendre vraiment ce qui se joue, de poser un diagnostic qui soit clair dans toute sa complexité sur la nature des enjeux pour identifier peut-être les réponses qu'il faudrait apporter. Et deuxièmement, être capable de se mettre en mouvement à grande échelle, d'agir collectivement. Donc ça, de réfléchir à la chose et puis être capable d'agir. Donc je voudrais que vraiment pendant cette heure, on parle de ces deux choses-là, de l'information et notre capacité de mise en action, qui sont les sujets sur lesquels vous travaillez. Et peut-être commencer par l'information. Quelle est votre analyse du système médiatique actuel dans nos démocraties et plus largement sur l'information qu'on consomme en tant que citoyen aujourd'hui, que les citoyens consomment dans les démocraties? Bah déjà, rien que le mot consommer de l'information, vous avez tout dit, hein. On n'apprend plus, on ne se relie plus, on ne se connecte plus à un événement ou à quelque chose, je veux dire profondément, on le consomme. Vous savez, c'est cette idée de process food aux États-Unis, process information, enfin, on est nous-mêmes processés, en fait, par une énorme machine. Et on en est tous responsables. À partir du moment où l'information est devenue une marchandise, bon, on a tout perdu. À partir du moment où l'information est devenue gratuite, ben on a tout perdu, c'est-à-dire que, et ça c'est notre responsabilité, c'est-à-dire ce système qui a touché l'alimentation, l'éducation, la santé, enfin tout, si c'est gratuit, c'est que t'es le produit, quoi. Donc on a vécu dans ce paradigme de prix toujours plus bas, qui s'est appliqué à tous nos pans de la société, et aujourd'hui à l'information. Ben, résultat des courses, les journalistes qui, en général, enfin la plupart d'entre eux choisissent ce métier comme un combat, par curiosité, par volonté de bien faire, etc., se retrouvent à être des petits ouvriers payés à la ligne, ou des grands ouvriers payés à la ligne, et c'est pas négatif pour les ouvriers, je veux dire par là que c'est monotache, en fait. Il y a plus d'enquête, il y a plus de travail long, il y a plus de journalisme, il y a plus de travail journalistique au sens propre, à part sur quelques rares médias. Et les autres qui arrivent à tenir, c'est du combat, et la plupart du temps, c'est du combat fait de personnalités qui s'arrangent et qui passent une énergie dingue à s'affranchir des règles. Je connais pas un journaliste heureux aujourd'hui. Enfin, très très très très peu, en fait. Parce qu'on choisit ce métier par idéal, et en fait, on se retrouve assez vite sous la loi du marché qui a effectivement gangréné tous les pans de la société. Donc, je dirais pas que je dirais pas que c'est un complot. Je dirais que c'est le résultat de notre système économique, en fait, sur lequel on est tous responsables. Donc, on veut toujours les prix les plus bas. Et bien, ça arrive à une information totalement nulle. voire aujourd'hui calibrés par les derniers qui ont la main, c'est les algos, quoi. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on a donné l'illusion que on n'avait plus besoin d'éditorialisation, on n'avait plus besoin de rédacteurs en chef, on n'avait plus besoin de journaux qui avec des points de vue, tout devait être neutre, tout devait, ben voilà, et ben donc on est dans cette soupe informationnelle dans laquelle l'outrance est la seule chose recherchée, et on est devenu accro à ce genre de news en fait et à ce système. Donc, encore une fois, c'est organisé comme une espèce de... À quel moment, ouais, en fait, ça a dérivé à ce... Parce qu'on parle souvent, enfin, l'essentiel de l'information qu'on consomme aujourd'hui passe par Internet, et ça s'est fait progressivement, mais finalement, ouais, assez rapidement. Et ouais, de plus en plus concentré pour l'essentiel des gens via quelques plateformes, Google, Facebook aujourd'hui. Donc, on peut considérer qu'il y a encore des endroits avec de la presse de qualité, mais qui restent marginales en termes de consommation. Mais qu'est-ce que ça a changé, le fait de consommer cette information sur Internet, sur notre capacité non seulement à avoir accès à cette information de qualité, mais aussi à avoir un consensus émergé, qui fait peut-être la surabondance d'informations ou... Je pense que pour les rédactions, ce qui est devenu important, ce n'était plus la valeur de l'information et sa valeur informative, ce qu'elle disait du monde, mais sa rapidité. J'étais très choquée. Un jour, j'étais invitée dans une rédaction en tant qu'écrivain pour écrire quelque chose. Et donc, j'ai passé 24 heures dans la vie d'une rédac. J'étais toute jeune écrivain à l'époque. Et j'ai vu quelqu'un s'extasier parce qu'il avait publié quelque chose sur un grand journal quotidien français 12 secondes avant Le Monde. Et c'était le Graal, quoi. Et je me suis dit, bah là, on est mort, en fait. Parce qu'en fait, et puis c'était une news complètement nulle. Donc c'est cette espèce de, on a désaxé le sens en fait. Le sens, c'est d'être le premier. C'est pas d'être bon, c'est pas d'être utile. C'est de prendre la place de l'autre. Donc c'est cette espèce de schéma concurrentiel, encore une fois, qui est venu attaquer quelque chose qui pour moi est de l'ordre, et je pense qu'on va en parler, du bien commun. L'information n'est plus un bien commun en fait. Elle n'a pas été protégée en tant que telle. Elle est devenue une marchandise consommable, consommée le plus rapidement et le plus avec le plus de sensationnalisme possible. Je pense que c'est pas mal de parler du personnage, enfin de la personne d'Aaron Swartz pour enchaîner là-dessus. Je pense que c'est aussi à ça que vous pensez quand on en parlant des communs. Alors personnellement, moi, j'ai découvert il y a quelques années grâce à un documentaire qui avait un peu tourné, qui est The Internet Own Boy. Et Aaron Swartz, donc c'est le fondateur entre autres du réseau Reddit, qui était un petit génie des débuts d'Internet et qui s'est notamment battu pour que l'information soit libre. En tout cas, ce qui devait être libre d'accès le soit effectivement. Et avant de finir écrasé par le système judiciaire américain sous Obama et de se suicider à 26 ans. Et je vous ai entendu dire que ce qui l'a tué, c'est de se rendre compte que la société d'aujourd'hui n'a qu'un intérêt, c'est d'organiser la médiocrité. Donc ça l'a amené à une forme de désespoir. En quoi son histoire est symptomatique de la manière dont fonctionne le système et du rapport du pouvoir à l'information et à la diffusion d'informations. En fait, Aaron est complètement... moi, j'ai fait un livre sur la vie d'Aaron Swartz parce que je la trouve complètement... vous l'avez dit, je crois que c'est vos mots, symptomatique de ce qui se passe. Voilà un garçon qui naît dans la banlieue de Chicago, dans une famille immigrée juive qui a eu de la troisième génération, dont le grand-père a explosé. Vous savez, ces grandes histoires, il était une fois en Amérique, quoi, de ces familles qui arrivent et qui réussissent, le self-made man, etc. Ça, c'est le grand-père. Puis le père, c'est va déjà un petit peu moins bien. Mais Aaron arrive dans une famille de grands idéalistes et de grands entrepreneurs. Et c'est un génie. Et très vite, à 3 ans, il apprend à parler tout seul. À 8 ans, il code tout seul. Et il a cette vision, comme il est à la croisée de la technologie et de la spiritualité. Je pense qu'il l'a pas compris qu'il était spirituel, mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. Oui. Il a une très grande vision de ce qu'est l'Internet. Son père lui montre la première page du web, écrite par Tim Berners-Lee, et Aaron tombe dedans, quoi. Et à 8 ans. Commence à coder tout seul, etc. Et lui, il a tout de suite ce mot à la bouche, je veux aider. Je veux être utile, je veux aider. Donc, il a une vision qui est la sienne, mais qui ne date pas de lui. Et c'est impossible qu'il l'ait lu. C'est la vision de Pierre Teilhard de Chardin, au début du XXe siècle, qui parle du point oméga. Et en fait, il explique que, je vais le faire court, mais c'est hyper important, en fait. Parce que l'Internet aurait pu être ça. Il explique que la vie se développe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années et que nous, les humains, sommes la forme la plus avancée parce que nous avons développé une conscience de nous-mêmes. Et que cette conscience de nous-mêmes, la vie, en fait, se sert de nous pour donner à l'univers une conscience de lui-même. Et Pierre de Chardin parle de ce point oméga, qui est ce point qu'atteindra l'humanité quand il donnera à l'univers une conscience de lui-même, et ça va être possible, et c'est Teilhard de Chardin qui le pose, grâce à un cortex globalisé, donc il a cette espèce de vision de l'Internet, en fait. Cortex globalisé, dans lequel tout le monde échangera des idées, et la connaissance sera libre, et grâce à cette somme de connaissances, permettra à la connaissance de s'élever, etc. Et en fait, un siècle plus tard, quasiment, je ne sais pas comment, cette idée vient taper à la porte d'Aaron Swartz, qui en fait la met en pratique, et il code que des choses comme ça. Donc liberté d'expression, partage de l'information, et son grand combat, qui paraît complètement dérisoire aujourd'hui, très vite ça fait suer cette histoire de licence libre, etc., mais c'est fondamental en fait. Très vite, son idée, c'est que l'Internet doit être cet outil à disposition des populations pour s'élever, pour progresser, et notamment lui, il est fou de science. Donc faire progresser la science, etc. Et en fait, il a cet idéal magnifique qu'il remet dans les mains des fondateurs du web, parce que comme il est extrêmement brillant, à 14 ans, il travaille avec Tim Berners-Lee au MIT, il arrête d'aller à l'école, enfin tout de suite, il code avec les plus grands qui viennent lui demander conseil, en fait. Et à l'époque, c'est un garçon qui fait 1m20 et qui est perdu dans ses t-shirts trop grands. Enfin, c'est le génie que l'Internet attendait. Et voilà un luciole, en fait, qui raconte, qui rappelle les pères fondateurs du web à leur devoir de créer cette technologie partagée, partageable, ouverte à tout le monde pour l'émancipation des populations. Et assez vite, Aaron assiste à la même chose que tout le monde, en fait, c'est-à-dire le 11 septembre. Et très vite, il comprend que là, finalement, le web ça bascule, est foutu. Et que cette technologie mise à dispenser, en tout cas par Tim Berners-Lee à l'époque, alors, l'Internet ne vient pas de Tim Berners-Lee, je parle du web, mais le web, pensé par Tim Berners-Lee comme outil de libération des foules, est récupéré au nom du terrorisme par les gouvernements pour surveiller les populations, et exactement tout le monde, et notamment la sienne. Et puis après, il y a le big data qui se met derrière, parce que voilà, c'est 50 milliards par an. Et on est tombé dans le pot de confiture, ça devient un business énorme, et donc tout y passe, nos idées, nos affects, l'information, etc. Et Aaron rentre en combat à partir de là, et il veut libérer l'information, et il veut notamment libérer la recherche, la science, et il se fait coincer par le gouvernement Obama. Notamment l'information qui normalement devait être libre d'accès, d'ailleurs. En plus, voilà, donc lui, en fait, il fait quelque chose qui est complètement de sous son niveau, en fait. Il est étudiant libre au MIT, et il télécharge par millions des publications scientifiques récupérées par G-Store, qui est un très grand éditeur de publications scientifiques, qui en fait préempte les travaux de recherche des scientifiques. Donc eux-mêmes sont dépossédés de leurs travaux en général financés par le bien public, par les impôts. Donc un truc complètement fou, mais voilà, on en vient à ce que des éditeurs prennent la main, mettent des autoroutes sur les chemins de la connaissance, et s'arrogent le droit d'accès à une information financée par le bien public. Et donc Aaron veut faire un espèce de de cas d'école en fait de ça, en montrant que notamment les universités du sud de l'hémisphère sud n'ont absolument pas accès à ces travaux de recherche. Ils comprennent pas parce que les abonnements à G-Store sont très très chers. C'est que les grandes facs qui peuvent se payer ça, etc. Donc il veut libérer tout ça. Il a écrit un texte qui s'appelle, enfin il a co-écrit un texte qui s'appelle Open Guerrilla Manifesto, qui explique en quoi c'est un devoir de tout chercheur de poster en libre accès ses travaux de recherche. Il se fait coffrer, enfin il se fait attraper par le FBI qui en fait un cas d'école. À l'époque, il y a Julian Assange qui affole tout le monde. On pense que le prochain Julian Assange, c'est Aaron Swartz. Il est acculé à 35 ans de prison, $1 million d'amende, et il craque effectivement, mais il craque surtout parce qu'il se rend compte que le système a choisi ça, en fait, que le système a choisi de ne pas protéger, et derrière la science, en fait, le grand projet initial qui est la libération de la... Oui, c'est ça, c'est que il se rend compte qu'en fait le système je parlais d'organiser la médiocrité, en fait c'est aussi ça, c'est pour ça que c'est symptomatique, et c'était étonnant même de ce que t'es sous Obama, et on peut peut-être aussi aller là-dessus et enchaîner sur l'idée de des lanceurs d'alerte finalement aussi qui viennent dénoncer quelque chose qui n'a pas lieu d'être normalement, tel puisqu'on nous présente les choses, les gouvernements disent que l'information est libre, la presse est libre, tout est accessible, et puis finalement on voit que ce n'est pas le cas, et que quand on révèle les choses qui doivent être révélées dans une démocratie fonctionnelle, finalement les gouvernements ont tendance à se retourner contre ceux qui font ça. Et vous avez beaucoup travaillé sur avec les lanceurs d'alerte, et vous dites notamment que c'est intéressant qu'ils ne sont pas des gens en fait qui veulent faire l'histoire, parce qu'on souvent on va les présenter comme ça, des gens avec un ego, etc., mais qui veulent simplement la permettre. Enfin, comment on définit ce qu'est un lanceur d'alerte, et à quoi ça sert en fait? Est-ce que toute personne qui aujourd'hui va révéler des informations qui sont cachées rentre dans cette catégorie, ou est-ce que c'est quel type d'information, et pourquoi c'est quelque chose qui vous fascine? Je sais pas si c'est une question d'information cachée, pas cachée. Enfin, ouais. À la limite, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est en quoi telle information permet aux populations d'être plus libres ou de garder de démocratie de fonctionner. Quoi, ouais. Ouais. Alors ça, c'est un plus grand mot parce que je pense que c'est pas seulement ça qui se joue là. Mais enfin, malheureusement, ça ne dépend pas que de ça. Ouais, citoyens conscients. Pour être libre, en fait, libre. Enfin, il y a quelque chose qui les touche. Je crois qui les rassemble tous. C'est d'abord une idée de justice vissée au corps, en fait. Après, chacun fait son interprétation sur ce que ça veut dire. Mais il y a la question. Je pense qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui assiste à quelque chose de profondément injuste, qui met en péril la dignité humaine et qui le révèle. La dignité ou la santé, d'ailleurs, parce que moi, je me suis intéressée à l'information, mais il y a eu le Mediator, il y a eu plein de trucs. Donc, il y a à partir du moment où les personnes peuvent être abîmées dans leur intégrité. Enfin, je dirais ça, et c'est quelqu'un qui va venir se mettre en danger, se mettre, Larry Lessig dirait, son corps sur la route pour que ce danger soit révélé, en fait. Donc, je sais pas si c'est pas seulement une question d'information cachée. C'est qu'est-ce qu'elle veut dire, cette information? Qu'est-ce qu'elle empêche ou qu'est-ce qu'elle permet, en fait? Vraiment, cette question de permettre est hyper, hyper, hyper importante. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer certainement celui qui a pris le plus gros risque. En fait, j'en sais rien. Peut-être que c'est très ethnocentré. Hein. Je pense que dans plein de pays, chaque jour, il y a plein de gens qui dénoncent des choses et dont on n'entend absolument pas parler. Mais disons qu'il a, il a surtout mis en évidence un système. Et il est venu ébrécher quelque chose et taper quelque chose qu'on n'a pas fini de découvrir, en fait, qui était l'envers du décor de cette pseudo grande démocratie américaine avec ses idéaux de liberté, de d'émancipation des citoyens, etc. Et c'est Edward Snowden. Donc, la figure du lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui, dans son intime conviction, met sa vie en péril au profit des autres, au nom de leur dignité. Et une chose qui, on va revenir à Snowden évidemment, mais une chose qui est frappante depuis maintenant pas mal d'années, mais je pense que ça s'est accentué effectivement, c'est depuis l'11 septembre certainement, c'est de voir la manière dont sont traitées ces personnes qui ont le courage, parce que mettre son corps sur la route, c'est aussi faire preuve de courage, potentiellement tout sacrifier, qui ont le courage de diffuser, de prendre le risque de diffuser cette information, et qui sont généralement des choses un peu scandaleuses quand elles sortent. Et qui montre ce que certains quelque part vont essayer de d'un peu cacher, etc. Et on voit qu'en fait ils sont emprisonnés, exilés. Au mieux, on les laisse tomber, sont abandonnés, ils deviennent des parias, ils retrouvent pas de travail. Et quand bien même cette information qu'ils auront révélée aura été utile, bénéfique. Comment on explique cette méfiance de, enfin ouais, c'est ce traitement qui est réservé à des gens quelque part qu'on devrait honorer. Je crois que, enfin voilà, on a bien compris qu'on n'est plus dans le monde de oui-oui quoi. Ouais, mais la politique, enfin c'est, on est malheureusement et quelque part le Covid vient, ou son traitement ou ce qui se passe vient le révéler encore plus, c'est que ça fait longtemps que le projet politique a cessé de s'intéresser au bien-être de ses citoyens. On est, alors c'est toujours très caricatural quand je le dis, mais enfin je pense qu'on en est quand même tous bien compris quoi, le profit est plus important que la vie. C'est ce que dit le système. Enfin, en tout cas, toutes les décisions, et c'est depuis le début des années 80, enfin, c'est à 79, enfin voilà, tout ça, c'est devenu un espèce de rail sur lequel tout le monde est rentré, et les politiques les uns après les autres, au nom de la satisfaction d'un électorat auquel on a vendu que la croissance du PIB, c'était le bien-être, en fait, le bien public. Donc on a tous, je sais pas, c'est K.A. qui est arrivé, j'en sais rien, mais on a tous cédé à une espèce d'illusion collective qui était que la croissance de l'économie allait régler tous les problèmes. On s'est pas posé la question de à quel prix sociaux, enfin, c'est venu souvent essayer de gripper la machine, mais ça n'a pas marché. Et bien sûr, on voit bien tous les jours, on s'est posé zéro question sur le coup où on n'a pas voulu, parce que tout était sur la table, mais on n'a pas voulu voir les implications écologiques de tout cela. Donc on est dans la queue de ce système. On est en train de finir de vivre les derniers soubresauts de ce système dans lequel on a dit le profit est plus important que la vie. Et tout y passera. Et ceux qui se mettent en travers de la route sont des empêcheurs de ce système de se déployer. Mais c'est vrai pour les lanceurs d'alerte, c'est vrai dans certains pays pour les journalistes, pour les auteurs, pour les écrivains. Regardez ce que commencent par faire toutes les dictatures. Purge. Ouais. Pourquoi ? Bah parce que ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la pensée critique, en fait. Tout a été attaqué. Ce qu'il y a dans nos assiettes, ce qu'on apprend à nos enfants, la façon dont on se projette dans l'avenir. Et aujourd'hui, ben, le dernier truc qui est attaqué, c'est nos intimités et c'est nos idées via les algos, en fait. Et c'est ce dernier espace libre. Et d'ailleurs, Aaron s'est suicidé en 2013, mais dès 2006-2007, il raconte ce qui va se passer avec les algos. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'il fait Reddit, etc. Donc, je veux dire, tout ça est écrit et connu depuis assez longtemps. Seulement, le business est tellement important, et il y a aussi une autre illusion collective que on s'en sortira mieux que le voisin. Et là, pour le coup, le Covid vient rappeler la loi fondamentale. On est absolument interdépendant. Personne ne s'en sortira. Le Covid, il tape sur tout le monde. Enfin voilà, c'est fini cette histoire de croire que on peut se barrer sur une île déserte et vivre différemment. Ça, c'est vraiment, il y a les derniers fous de la Silicon Valley qui y croient. Là, quand même, je pense que là, c'est terminé. C'est quand même quelque chose qui nous est dit, rappelé tous les jours avec ce que l'on vit. Mais donc pourquoi ces lanceurs d'alerte c'est quand même très très simple, ils le sont mis au pilori parce qu'ils empêchent le ronron du système. Et que surtout il faut absolument les diaboliser pour que la médiocrité organisée, qui est quand même vraiment une bonne façon de régner sur les populations, eh bien ne change pas. Et ça, c'est l'outil principal. Et ce qui est étonnant, c'est de voir aussi à quel point même quand leur travail, entre guillemets, ou les révélations créent un scandale, sont estimées comme étant d'intérêt général, finalement, ça passe. Et je pense qu'on peut parler aussi de Snowden, donc qui a révélé une surveillance généralisée des citoyens du monde entier par la NSA, mais surtout, enfin, ce qui était intéressant, c'était des citoyens américains, ce qui était illégal. Et surtout, ce qui est intéressant aussi avec cette personne, c'est qu'il a développé toute une pensée particulièrement profonde et donc qui part aussi d'un constat très très informé sur l'état de nos démocraties et sur ce qui se joue avec ces désinformations et cette surveillance généralisée. C'est évidemment intéressant de revenir sur le personnage de Snowden pour voir ce qu'il représente. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre rencontre et surtout du message qui en est sorti et qu'il porte et que tous ces gens-là, en fait, qui partagent son combat, portent. Et pourquoi c'est si important ? Alors, effectivement, bon, Snowden, vous l'avez compris, il a effectivement révélé l'arsenal, que l'arsenal de surveillance déployé par les Américains depuis des années et depuis des décennies s'était retourné contre les populations non seulement de ses alliés, mais les populations américaines. Il a dénoncé ça, effectivement, il a été prouvé que ces pratiques-là étaient illégales, etc. Il a dû fuir en Russie, enfin, il a dû fuir comme il a pu, il a atterri en Russie, il a trouvé une forme d'asile politique, il y est coincé, il est bien coincé. Moi, j'ai pas eu envie de, d'abord, son travail a été, même si je suis d'accord avec vous, les répercussions de son travail, bah, voyez, vous-même, vous m'avez demandé pour faire cette interview, et je m'excuse, de télécharger Google Chrome, quoi. Voilà, enfin bon, donc c'est que c'est quand même pas complètement passé cette histoire, enfin même quand on veut discuter de ce sujet on est obligé d'utiliser, enfin voilà, pour moi vous parler je suis obligé d'utiliser Google Chrome, ce qui est quand même un comble, mais toujours est-il que donc ça veut dire qu'on n'a pas bien compris encore ce qui est en train de se passer, mais néanmoins ce qui moi m'intéressait c'était l'acte, effectivement, le fait de se lever contre une injustice qui a été documentée déjà par Citizen 4. Mais c'est surtout que je trouvais que ce qui se passait sur la technologie était purement et simplement un symptôme de quelque chose de bien plus grand, qui est effectivement la faillite démocratique. Et mon intuition, c'était de vouloir parler avec Snowden, non pas de technologie, mais de démocratie. Et ça l'a surpris lui-même, parce que j'étais pas la première journaliste à venir le voir, enfin même si on était très très nombreux, mais en tout cas à l'interviewer, et je pense que personne n'avait déplacé un peu le sujet, quoi. Et c'était formidable c'était en chute, enfin c'était du supérieur, parce que il savait pas, je savais pourquoi je venais, mais lui il savait pas. Et c'était merveilleux de clarté, en fait. Et c'est très simple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, quoi. C'est très, très, très, très simple. Et ça revient à cette loi du marché, en fait, dans laquelle on est tous complices, parfois responsables. Donc, c'est une rencontre qui a eu lieu à Moscou, qu'on a filmée pour un doc pour Arte qui s'appelle Meeting Snowden. Et en fait, j'y suis allée avec Birgitta Jónsdóttir, qui est une députée islandaise, qui était députée islandaise, proche de Wikileaks, enfin ex-proche de Wikileaks, du Wikileaks des débuts, et Larry Lessig, qui était le père un peu spirituel d'Aaron Swartz, pour le coup, mais aussi l'inventeur des Creative Commons, donc le système d'enregistrement des produits culturels, j'ai envie de dire, de création sous licence libre, et aussi un des pionniers de l'Internet, et l'un des plus grands constitutionnalistes du pays qui venait d'essayer de se lancer dans la présidentielle américaine pour dénoncer la corruption endémique, en fait, du système et l'influence de l'argent en politique. Donc c'était deux bêtes blessées, hein, Larry Lessig et Birgitta Jónsdóttir, qui avaient essayé de rentrer ou qui étaient dans le système et essayer de le changer de l'intérieur, qui n'y arrivaient pas et qui allaient voir j'allais dire Aaron Swartz, parce que c'était vraiment celui qui manquait autour de la table, mais Edward Snowden à Moscou, pour essayer de comprendre ce qu'il pouvait faire, en fait, ce qui restait à faire pour cette démocratie qui était en train d'exploser en vol. Et là, encore une fois encore, ce qui se passe avec le Covid, c'est un grand révélateur de ça, c'est un accélérateur. La faillite des élites, l'impuissance du politique, ces numéros de claquettes successifs, etc. Et l'enrichissement des milliardaires. Voilà, ça nous paraît totalement évident maintenant, mais c'est parce qu'on a un grand enluminateur, on a un grand, grand, je sais pas s'il existe enluminateur, mais enfin, on a un grand stabilo, là, qui met tous les trucs de façon évidente et qui fait notre éducation. C'est en cela que la période est assez formidable aussi. Et donc, c'était une rencontre, bien sûr, totalement secrète, totalement inattendue, voilà, jusqu'au dernier moment, on a pensé que ça se ferait pas. Enfin, voilà, c'était très chouette à vivre. Très chaud et j'ai eu effectivement l'extrême ouais. honneur et chance de recueillir sa parole et leur échange et c'était énorme. Mais oui, oui, ils en sont. Alors le documentaire est disponible, mais ce qui est intéressant aussi, c'est pour reboucler par rapport à votre marque sur Chrome, qui me fait penser au fait qu'à chaque fois que j'ai, qui est tout à fait juste, hein, mais je discutais de ça avec des amis hier en préparant cette interview et notamment de l'interview de Snowden en faisant un débrief de ce qu'il disait. Et comme souvent, en fait, en face de moi, j'ai des gens qui sont parfaitement au fait de ces choses-là, mais dont la réponse est, mais finalement, moi, tant que c'est pratique. Tant que c'est confortable, tant que bah c'est super, Google ça me permet, moi le premier, hein, ça me permet de connecter tous mes trucs, c'est hyper pratique, finalement, ça me va. Et en fait, ce truc-là ne bougera jamais, et les gens ne s'interrompent, ils feront, et c'est ce qui s'est passé avec Snowden, avec les révélations, c'est tout le monde fait « Ah ouais, quand même !» et puis après c'est « Ouais, mais finalement, sans douter !» et puis après c'est « De toute façon, c'est ouais. pas grave, tant que je fais rien de mal, il y a ouais. toujours cette chose-là qui arrive. » Donc, je voudrais avoir ça, et puis du coup, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce discours? En quoi il est symptomatique? Et comment quelqu'un comme Snowden réagit à ça? Alors, c'est son grand combat. Hein, et d'ailleurs, il le dit dans le film, qui est effectivement en accès libre sur YouTube. Et accès libre parce que Arte a bien voulu, qui est le financeur de ce document, a bien voulu, avec moi, le mettre, considérer que c'était une œuvre utile. Donc, il est libre, enfin, il est en accès libre partout. Le grand combat, et la grande phrase en tout cas de Snowden avec nous, c'était de dire finalement, on préfère le confort à l'humanité. Hmm. Ce que vous venez de dire, tant que c'est confortable, eh ben ouais, je vais pas me casser la tête à aller me protéger, à protéger mes informations. Et c'est comme ça que le système vous tient. C'est parce que bien sûr, c'est tellement bien foutu, c'est tellement ergonomique, c'est tellement malin que bah, le côté pratique l'emporte sur le côté sécuritaire, qui paraît très très diffus, très loin. Mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que déjà on vous construit des chambres d'écho, ça veut dire que on vous gangrène et on vous balance que ce que vous avez envie d'acheter. Enfin, on vous manipule quoi. Et donc les gens acceptent ça. Parce qu'en plus, ils trouvent ça presque pratique, tu vois, finalement. Oui, c'est toujours ce truc, quand il y a des lois sécuritaires, c'est cette rhétorique de bah, « de toute façon, tant que j'ai rien à me reprocher ». Oui, mais alors Snowden, il dit justement cette histoire de « j'ai rien à me reprocher », il explique c'est très insidieux, en fait. D'abord, vous n'en savez rien, comment telle parole sera retournée dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est comme les gens qui mettent les... Enfin, le plus grand... la plus grande folie, c'est mettre une photo de ses enfants. Sur les Facebook, les trucs, enfin voilà. Mais surtout, ce qui est problématique selon lui, c'est que il est presque psychanalytique quand il en parle. Il dit, mais en fait, pour être libre, il faut pouvoir avoir des endroits sûrs dans lesquels on puisse développer sa pensée. Et le fait que vos courriers soient regardés, enfin n'importe quel Gmail est analysé, remis, enfin rentré dans des algos, etc. Et ben finalement vous commencez à vous dire, et d'ailleurs maintenant il y a des réponses Gmail, on vous fait même les réponses directes quoi. Oui, c'est quand même les phrases. C'est énorme. Et là aussi ça c'est pratique quoi. Non mais enfin mais je sais pas, c'est une nouvelle illusion, mais encore une fois qui prend racine dans la même chose. J'ai tous les droits. Après ouais. moi, le déluge, et personne ne viendra me chercher moi. Ça va, hein? Oui, c'est ça, mais parce qu'il y a cette croyance qu'on a tous un petit peu, que en fait les gens se réveillent le jour où ça tombe sur eux, le jour où ils vont être confrontés à une ouais. justice qui finalement n'est plus faire, ou comme aux États-Unis où c'est devenu un business, si vous en parlez. Et qu'est-ce qui se joue justement profondément derrière ça? Parce que c'est important, à mon avis, de clarifier de ça. Si c'est notre capacité en tant que citoyen à peser sur la marge du monde. Et du coup, qui gouverne, en fait, et qui a la main là-dessus, et pourquoi est-ce que, je me fais l'avocat du diable, mais pourquoi finalement, on pourrait pas se dire, bah, après tout, ils font du bon boulot, moi, je suis confortable, je suis nourri, donc je laisse faire. Bah, moi-même, je me pose la question, hein. Honnêtement, c'est une bataille de tous les jours. Maintenant, j'ai un smartphone, enfin, voilà, et j'ai craqué. Mais je vois que j'ai gagné en praticité, j'ai perdu d'autres choses. C'est un arbitrage permanent entre le confort et la liberté, en fait. Et on le voit pas, et cet arbitrage, il est d'autant plus insidieux qu'il est absolument indolore. Et vous êtes récompensé à lâcher votre liberté, parce que vous gagnez en rapidité, en confort, mais c'est des choses toutes bêtes comme perdre en liberté, mais perdre en capacité cognitive. Enfin, je prends souvent cet exemple, mais le fait d'avoir son Google Maps et de toujours chercher... vous perdez une capacité cognitive qui a mis des millions d'années à s'installer dans le cerveau humain, quoi. Et ça ne se récupérera pas. La capacité à se récupérer, à se repérer dans l'espace. Et c'est très caricatural, mais il va se passer la même chose avec les idées. C'est-à-dire que vous dites n'importe quoi sur Gmail et le prochain article va utiliser les mêmes mots pour vous proposer la solution quasiment à votre question, quoi. Donc, vous n'irez plus faire la démarche par vous-même. Vous n'allez plus rien. En fait, ce qu'on est en train de faire, on demande c'est la capacité... à Google, à Siri ou à Alexa. Bon, ça, c'est encore pire. Alors ça, j'en parle même pas. C'est criminel. Mais on est en train de perdre notre capacité à élaborer notre propre pensée. On est en train de perdre notre capacité à rêver, en fait. Et au profit de qui, en fait, qui organise ça? Ça, on revient à la question de l'argent et de... Bah, c'est Social Dilemma, c'est les travaux de Tristan Harris, etc. C'est vraiment cette histoire d'économie de l'attention, où le but de ces entreprises est de maximiser votre temps en ligne pour prendre le maximum d'informations et vous balancer un maximum d'images, parce que ces informations récupérées et ces images qu'on vous envoie, c'est du clic et c'est donc payant. C'est du business. C'est nous qui sommes le produit, ouais. Voilà. Ben, si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est un grand truc, c'est encore une fois très vrai. Donc, eux, ils sont, les GAFA, ils sont, je résiste à l'idée, et vos auditeurs font ce qu'ils veulent, à dénoncer un complot machiavélique. Je pense que c'est juste du business. Et tant que cette histoire de business est au-dessus de tout ce qui nous dirige, eh bien, nous serons dans un système qui ne saura pas expliquer en quoi passer de Gmail à Proton, c'est important. Qui ne vous expliquera pas que éviter Google Chrome, c'est important, que éviter Meet, c'est important. Voilà, tant que on sera prisonnier de cette logique-là, alors la question du confort et de la praticité l'emportera sur toute autre considération, parce que ces considérations, elles sont apparemment à effet lointain et indolore. Mais alors qu'est-ce qu'on fait, en fait? Parce que je résume un peu, on a ce système médiatique qui a du mal à faire correctement son travail, notamment par manque de moyens, et puis, enfin, voilà. On a nos démocraties qui sont fragilisées par des intérêts privés, ça dépend en plus de ce sont les pays, mais on voit, par exemple, aux États-Unis à quel point l'argent est devenu central dans toutes les élections présidentielles, presque sans limite. On a une machine extrêmement efficace à fabriquer de l'ignorance en masse. J'ai regardé aussi pour préparer un autre docu Arte là-dessus. Et même quand, malgré tout, l'information sort, on s'insurge un peu et puis après, il n'y a rien, en fait. Et quand on veut savoir, quand on n'est pas encore amorphe, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont curieux, souvent on se fait balader dans un sens ou dans l'autre, par des fake news, par des choses qui viennent nous conforter nos idées, corroborer ce qu'on croit déjà, par des trucs parfois qui vont être complètement aberrants, et on peut devenir complètement parano. Quoi. Mais dans tous les cas, en fait, on se retrouve, quel que soit le scénario, vraiment démuni, même quand on essaie de s'engager. Donc, et le résultat, c'est ce que je constate, c'est en particulier en France, une grande méfiance, et il y a des études là-dessus, envers la classe politique, envers les puissants, voire du dégoût, même du désintérêt. Et on a une sorte d'épuisement, en fait, chez ceux qui s'engagent. Et la plupart du temps, c'est juste de l'indifférence, en fait. Comme l'a dit, on dit finalement que tant que le système tient, tant que moi je suis en sécurité, que j'ai un travail, question de corruption, de surveillance, en fait, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce qu'il y a des leviers? Quels sont les bons leviers pour sortir de cette situation? qu'est-ce qu'on fait quand on est un simple citoyen, en fait, c'est quels sont les outils? Alors, enfin, il y a plusieurs choses, mais il y a d'abord toujours trianguler. Voilà, je vais partir du pratico-pratique jusqu'au moins pratico-pratique. Mais déjà, à l'égard des informations, toujours triangulariser. Donc jamais prendre une info. Enfin, si vous êtes fou d'infos, déjà il faut se poser la question pourquoi. Deux, si vous n'arrivez pas à décrocher, c'est une drogue, hein, c'est de la dopamine. Oui. Si vous n'arrivez pas à décrocher, triangulariser toujours l'information. Toujours trois sources différentes, enfin, prenez pas trois conspies, quoi. Vous regardez un média conservateur, un média progressiste et un média alternatif pour la même info. Donc déjà, voilà, il y a des premières choses, triangulariser l'info. Deuxième chose, protéger un peu vos conversations. Donc effectivement, oubliez Gmail, allez sur Proton, des trucs tout simples. Abonnez-vous à des médias qui font payer l'information. En France, Mediapart, enfin voilà. Valorisez ces gens-là, ils font un travail extraordinaire, ils sont seuls, alors ils vont bien, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Donc encouragez ce journalisme d'investigation qui essaye, non de s'affranchir nécessairement des GAFA, etc., parce qu'on n'en a pas parlé. Pourquoi la presse n'est pas libre? Parce que la presse est financée par la publicité. Parce que nous ne payons plus l'information. Donc qui paye? Citroën, Renault, Suez, Société Générale, etc. Donc, enfin, Suez n'existe plus. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir du moment où vous payez une information, vous mettez dehors les annonceurs et donc vous garantissez le fait que le journaliste peut travailler sans auto-censure ou sans censure. Donc ça, il y a deux, trois choses. Après, moi, je suis notamment sur ce qui se passe en ce moment sur le Covid, qui est aussi tout à fait caricatural, qui gouverne aujourd'hui la peur. C'est très net. Et la presse en fait mais des feuilletons, quoi. Donc là, on va voir le feuilleton, les vaccins marchent pas, on va voir le feuilleton, machin. C'est une news, en fait. C'est un truc qu'on nous déroule. Et donc, il faut essayer de voir... Je nie pas l'existence de la pandémie. Hein. Je dis juste que quand il y a du business qui est fait là-dessus, là aussi, il faut déclencher des warnings et se dire, bon, ok, je suis en train d'être pris au piège d'une manipulation. Et on est plus ou moins capable de le faire. Mais débranchez, arrêtez, faites-vous des intox. Il y a rien qui... Il faut désamorcer cette peur. Et la première chose, c'est couper, en fait. Donc créer des espèces de bulles et des moments sans info. Donc et c'est une question d'hygiène personnelle, de la même manière que vous n'avez pas vous bouffer 4 tartes au chocolat ou je sais pas quoi de la même manière. Et ben voilà, c'est du même ordre. C'est de l'infobésité. C'est de l'infobésité. Donc protégez-vous de ça. Suivez et valorisez le travail bon, des lanceurs d'alerte, mais aussi des écrivains, des journalistes, des cinéastes, des gens qui essayent de vous raconter une autre histoire, une autre version de l'histoire, et qui essayent de protéger leur indépendance et leur pensée libre. Comprenez que c'est précieux, en fait. Et plus généralement, je crois qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup fait. Et ce truc de faire, eh ben, ça a amené les Google, ça a amené ce que vous dites sur, ben, je vais faire ça parce que je vais gagner du temps, parce qu'il faut que je fasse, tu comprends, il faut que j'aille vite, machin, etc. Et ça, on est en train d'en mourir. Je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à moins faire et à plus être. Et être, c'est la question de la relation à l'autre aussi. Et c'est vraiment un peu la question qui nous est posée avec, encore une fois, cette pandémie. On est privé, soi-disant, de liens avec les autres. Ça veut dire quoi, les liens, aujourd'hui? Ça veut dire quoi, une conversation? Ça veut dire quoi, une intimité? Ça veut dire quoi, une amitié? Est-ce que c'est pas, justement, dans ce moment où on est censé être retiré du monde, coupé des autres, qu'on peut se poser la question de la valeur de chacune de nos relations et de ce qu'on y fait, de ce qu'on y trouve? Est-ce que c'est pas le moment d'un grand nettoyage dans la façon dont on se nourrit? Et je parle vraiment, bah, bien sûr, de l'alimentaire, mais bien sûr de ce qui vous intéresse et de l'information. Est-ce que c'est pas le moment de reprendre un petit peu le pouvoir, de se demander qui on est, ce qu'on fait de nos journées, ce qu'on fait dans ce moment absolument critique du monde? On est effectivement à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité, très particulier. Et là, est-ce qu'il faut faire, alors, il y a des choses à faire. Et notamment, je pense qu'il y a des choses à faire en ultra proximité avec les autres. Et c'est le moment de décrocher des applis, là. C'est le moment d'aller sonner chez le voisin. C'est le moment de se lier aux autres. C'est le moment de regarder autour. Et vous parlez de crise climatique, etc. Mais avant ça, il y a la crise psychique dans laquelle on est. Regardez ce qui se passe pour la jeunesse. Regardez ce qui se passe pour les enfants. Alors, pour moi, bien sûr, la crise écologique existe, mais c'est peanuts par rapport... Enfin, on la résoudra pas si oui, nous-mêmes, on n'a pas une propre écologie intérieure différente. Et c'est là où cette histoire d'infobésité, il est temps qu'on l'adresse, et certainement pas que en la dénonçant. Parce que ça, je l'ai beaucoup fait. En fait, vous mettez une pièce dans le jukebox, hein. Quand vous dénoncez quelque chose, la bête, elle est contente de vous parler d'elle, elle grossit, voilà, tu vois. Mais par contre, quand vous allez, vous dites, salut, et je vais faire autre chose, en fait, et je vais m'intéresser à d'autres, en fait, à d'autres voix, à d'autres, je vais arrêter de taper dessus, parce que finalement, plus je te tape dessus, plus t'as raison. Et je vais plutôt aller, essayer de voir qui construit quelque chose d'alternatif et qui fait quelque chose de magique. Et honnêtement, aujourd'hui, il y en a plein. Mais plein. C'est... Par contre, alors ça, pour le coup, c'est pas encore devenu trop une marotte journalistique. Peut-être ça le deviendra, mais pour l'instant, la peur fait plus vendre que l'espoir. Ça reboucle avec plein d'interviews que j'ai faites dernièrement, justement. C'est à force de vouloir poser le diagnostic, je me rends bien compte qu'on en revient à cette idée de à la fois même de spiritualité, de lien, de rapport à soi, de savoir ce que l'on décide de faire, puisque finalement, c'était une question que j'avais, c'est-à-dire que donc là, vous avez apporté pas mal de réponses sur le côté qu'est-ce qu'on fait par rapport au manque d'informations, enfin au manque d'informations, au trop plein d'informations ou à la mauvaise information qu'on a et à cette idée qu'on est surveillé, donc on n'alimente pas tout ça. Il y a cette autre question qui est qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse changer. Mais finalement, je trouve très intéressant la réponse de se dire que c'est pas forcément d'aller dans une logique de l'affrontement contre, parce qu'on va nourrir, même si on va dans la violence, etc. C'est plus de se dire que je vais faire autrement et finalement ça reboucle aussi avec toutes les autres problématiques même écologiques de qui sont liées à la au trop plein de consommation, au trop plein de faire, puisque c'est de la consommation, c'est des émissions au final tout ça, et qu'une des meilleures réponses qu'on peut apporter c'est de sortir de cette logique là et puisqu'on va comme vous dites, on va quand on va contre, finalement on peut aussi et ça peut tout ça est souvent récupéré, presque toujours récupéré finalement. Ça reboucle aussi avec le avec votre sujet du moment, et vous l'avez un peu évoqué par rapport à cette problématique de ce que les nouvelles générations sont en train de vivre. Mais c'est aussi quelque chose qui je vais avoir 40 ans là, donc ça je suis un peu déconnecté du fait de cette génération qui a 20 ans maintenant, sûrement T2, j'ai des très jeunes enfants, mais et c'est intéressant, ça m'intéresse de plus en plus de voir, mais comment ces personnes qui y entrent, enfin, qui sont ados ou qui entrent dans l'âge adulte, vivent la chose. Et votre projet du moment, c'est un film, qui va s'appeler Bigger Than Us, je crois, et qui est en cours de finalisation. Est-ce qu'on peut finir en parlant de ce projet, d'où ça en est? Écoutez, moi, je pense que ce que Snowden et même Aaron, même Moore m'a dit, c'est qu'en fait, le rôle de chacun, c'est de permettre, en fait. Voilà, c'est même plus faire, en fait, c'est permettre. Permettre à la vie de continuer, aux autres de se déployer, à l'un ou l'autre de grandir. Et voilà, quand on atteint 40 ans, on commence à se retourner, à se dire, comment mon action peut se tourner. Et donc c'est faire avec, en fait, c'est faire pour, c'est faire avec, c'est se battre pour et non plus contre. Voilà, et en tout cas pour mon travail c'est très très important. Et en fait il y a 4 ans j'ai eu la chance de faire un documentaire sur une jeune fille qui était à Bali, qui avait 16 ans à l'époque et qui était en train de faire interdire les sacs plastiques sur son île. Alors ça me paraissait un peu honnêtement marketing, je me suis dit tiens, je vais faire un joli petit doc pour Arte, ça va être mignon, les enfants qui changent le monde, etc. Mes enfants étaient très jeunes à l'époque et j'étais sûre de leur faire plaisir, c'est toujours plus intéressant, enfin c'est assez gratifiant dans ces moments-là de se dire qu'on s'aligne en fait, on fait quelque mm-hmm. chose aussi pour ses enfants. Je pensais que ça serait un épiphénomène et puis en fait dans le corps de et dans la tête et dans les mots de Melati, une toute jeune et magnifique enfant, j'ai entendu toute la sagesse d'un Snowden en fait que j'ai rencontré quelques mois après, enfin 6 mois plus tard quoi. Ou 6 mois plus tôt. Donc c'était complètement bouleversant, et puis j'ai commencé à creuser, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein d'enfants partout, alors enfants ados, hein, qui en fait réparaient ce que les parents avaient dévasté, ou ce que les générations avant avaient dévasté. C'est vrai que nos parents ont vraiment appuyé sur le bouton, mais ça fait des générations que ça se prépare. Et que là, ils avaient juste d'autres outils bien plus puissants pour tout péter, quoi. Et donc j'ai commencé à creuser il y a 4 ans, et donc j'ai fait... Et le film est fini, on attend juste de savoir quand est-ce qu'on le sort, hein, probablement à l'automne. Un documentaire avec Melati, donc cette jeune fille de 18 ans en Indonésie, qui part autour du monde rencontrer d'autres jeunes comme elle, activistes, sur le climat, mais c'est la porte d'entrée, elle est toute petite. Notre gros sujet, c'est la crise migratoire. Okay. Mais aussi la sécurité alimentaire, la liberté d'expression, l'éducation, la dignité. Donc l'environnement est traité comme un symptôme de ce dysfonctionnement monstre qui est celui qu'on vit aujourd'hui d'un monde qui a choisi le profit plutôt que la vie. Et elle va à la rencontre de ces jeunes qui font des choses extraordinaires depuis longtemps, complètement sous les radars. C'était bien avant Greta tout ça, hein. C'était enfin qu'on a démarré, donc Greta met la lumière là-dessus sur l'écologie, mais Mohamed dans son école, Mohamed a 18 ans, dans son école à la frontière syrienne libano-syrienne, il y a 200 réfugiés qui vont chaque jour quoi, et on n'en parle jamais. Et il a 18 ans. Et il a fait ça tout seul. Et Memori à 18 ans a changé la constitution de son pays pour que le mariage, l'âge du mariage légal soit remonté de 5 ans pour que les filles arrêtent d'être mariées de force. Bon bah c'est des, on va dire que c'est des petits épiphénomènes, mais alors on se demande ce qu'on va faire. Et est-ce que la jeunesse peut être? Et ben moi je dis en fait, il y a plein de personnes qui partout sur le monde arrêtent de se poser la question, et étonnamment, ils sont pas dans l'hémisphère nord. Hein. 80% de toute façon c'est assez symptomatique, 80% de la jeunesse aujourd'hui habite hors de l'hémisphère nord. Donc si vous voulez regarder ce qui se passe, faut arrêter ce qui se passe de regarder ce qui se passe dans nos pays et considérer que peut-être que ces pays qu'on considère comme derrière nous sont en avance de phase parce que précisément les sociétés se sont déjà effondrées et que ça semble quand même relativement inéluctable chez nous, pardon. Mais qu'on est dans ce moment d'effondrement où les choses se délitent. On a commencé là par l'hôpital, ben voilà, on va découvrir, il va y avoir d'autres trucs. Préparons-nous et surtout construisons ou cherchons en nous-mêmes ces raisons d'exister et de vivre. Et ce film est pas du tout sur les solutions, enfin même si on en parle. Ce qui m'a beaucoup touchée, et j'étais pas partie pour ça, hein, c'est que ces jeunes, bon, qui sont entre 18 et 25 ans, nous disent vraiment ce que c'est que vivre aujourd'hui. Vivre, mais en étant vivant, en étant heureux. Et ce qui est fou, c'est que le décor est complètement cassé. Ça peut être magnifique aussi, hein, mais grosso modo, on est dans un décor qui est celui d'une société qui n'existe plus ou pas, ou qui est profondément injuste. Et vous les avez, eux, magnifiques de dignité et de vitalité et d'envie de vivre, en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça vient transcender exactement tous nos sujets d'infobésité, de trucs qui m'intéressent honnêtement moins parce que je pense que c'est très ethnocentré. La question du moment, c'est quelles sont les raisons d'espérer? Qu'est-ce que je peux être? Où sont mes leviers d'action, effectivement? Et qu'est-ce que je, alors, pour reprendre votre mot, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, ce qu'ils nous disent tous, c'est de l'engagement pour les autres en ultra. Proximité. Pour remettre de la vie, pour remettre de la dignité, pour remettre du sens, et ça se passe en bas de chez nous, à partout, hein. Et ça, c'est complètement universel. Donc, les histoires de changer le monde, etc., c'est, je veux dire, voilà, ça, c'était les années 80, quoi. C'est terminé, c'est le monde d'avant. Là, il faut le réparer, en fait. Et il faut sortir sa boîte à outils. Et en fait, c'est ce qui m'a surprise, moi, et pourtant, on a vu des trucs très, très durs, c'est qu'en général, ils sont vraiment très joyeux, quoi. Il y a une audace, il y a une patate, ils sont malins. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans la vie, en fait. Et malheureusement, tout engoncé qu'on soit dans ce qu'on nous dicte l'algo, eh ben, on a quitté la vie. On est des zombies dictés par l'algo de Facebook, de Google, de machin qui va me dire quelle pompe acheter, où aller ce soir, quel mec connecté et tout. Mais c'est horrible. Je veux dire, voilà. Donc, il y a un moment, il y a cette question de profonde connexion au monde qui ne passe plus, qui peut passer accessoirement par les outils, mais qui passe profondément par la relation à l'autre et à son environnement immédiat. Et c'est pas toujours simple parce qu'on pourrait se dire, tiens, je rêverais bien de partir faire de l'humanitaire à Zanzibar. Voilà. Mais non, en fait, bah déjà là, c'est plus possible. Et puis l'impact non seulement écologique mais social de cet engagement humanitaire, il est profondément à questionner. Oui. Beaucoup de choses à faire tout près de chez soi, quoi. Bah oui, et je pense qu'aujourd'hui, la question la plus importante, c'est celle de la joie, en fait. Et comment en remettre ? Il y a un truc de sûr, c'est que ça passera pas par la techno. Ça s'appelle pas la joie, ça s'appelle la drogue. Pareil. Pour finir, est-ce que vous avez deux livres que vous recommandez à tout le monde de lire absolument ? Pas forcément sur ces sujets, mais un roman, un essai, deux romans, enfin, ou deux essais. Alors, je recommande toujours, il est très court et il est très bien, c'est Taz, Zone d'autonomie temporaire de Hakim Bey. Qui est un tout petit livre qui explique, et c'est Hakim Bey, c'est un pseudo, et c'est le théoricien de la pensée insurrectionniste, et il explique ce que c'est que la liberté. Et donc la liberté, c'est pas ce que nous a dit l'Amérique, l'entrepreneuriat, le droit de faire tout et n'importe quoi sur la planète, etc. La liberté, c'est quelque chose de tout à fait éphémère, de tout à fait accidentel. Et c'est lui qui pose ce que c'est que la piraterie, en fait, le vrai pirate. L'idée, c'est de dire qu'on vit dans un océan de contraintes, dans nos petites esquifes, et qu'on se démêle comme on peut avec ces contraintes, et qu'à un moment, on attrape et on voit une île. On attrape à la jumelle une île et on y va. Et on va sur cette île, on rencontre les autres. C'est festif, c'est orgiaque, c'est joyeux. Et puis après, faut repartir avec sa petite esquife et retraverser l'océan de contraintes. Donc c'est ce que ça dit, c'est que la liberté, c'est ça. La liberté, c'est pas un état permanent. C'est quelque chose qui presque qui se vole. Ça, c'est le premier livre que je recommanderais. Le deuxième, parce que je viens de le lire et je trouve que il est utile en ce moment, c'est le Bhagavad Gita, qui est ce texte indien qui parle de la philosophie du yoga. Alors c'est pas un truc, honnêtement, pour spiritualité dans Psychologie de Magazine. Enfin si, même si ils en parlent, mais c'est vraiment assez profond sur justement que faire aujourd'hui. Et il y a cette phrase absolument géniale qui dit tout en fait, qui dit je m'accomplis parce que j'accomplis. Et qui montre que il y a une idéologie du faire et qu'elle est absolument, absolument essentielle et qu'on se réalise parce qu'on agit pour les autres, en fait. Après, ça demande à toute une écologie intérieure dont on a parlé. Mais je trouve que regarder ce texte très ancien aujourd'hui, en parallèle d'Hakim Bey, enfin c'est deux sources très très très différentes, mais en tout cas moi ça recroise bien avec ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question de la liberté et la question de l'agir. C'était un livre qui avait été aussi recommandé par Abdennour Bidar que j'avais ah bon reçu. Ah bon, ouais. Ah, j'aurais dû écouter. Ben, si vous voulez un troisième. C'est très bien, doublement recommandé, c'est que. D'accord. Merci beaucoup, Florent. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr. Si le podcast vous plaît, parlez-en, mettez une note sur Apple Podcast et pour ne rien rater, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet d'enquête sur les grands enjeux actuels. Pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack, vous pouvez faire un don à partir du site. Enfin, si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence, contactez-moi pour en parler. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode. Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer ?